êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbé nous réserve une surprise dans sa chronique Phénomène. Et on parle d'une pièce de théâtre Naissance avec une des comédiennes. C'est la dernière émission de la session en direct. Restez là, Assemblage requis. Oh! Oh! Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 26 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières pour pas mal la dernière fois en direct. Oui, exactement. C'est triste, mais c'est comme ça. On a un peu de peine. Un petit peu de peine, mais ne vous en faites pas. On va être quand même là tout l'été, mais à partir du bateau que C'est fou loue à chaque été depuis quelques années. Justement, on va envoyer la facture à Mathieu Plante. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comment je suis garni de la poche. Hein? ma poche est... Et garni. Donc aujourd'hui à l'émission, on aura la chronique de Simon Fitzbé à 8h, Phénomène, et nous réserve, comme à chaque année, là, c'est rendu une tradition, une surprise pour sa dernière chronique de l'année, sûrement par rapport à nous. Comme l'année passée. Ouais, c'était un hommage à nous l'année passée. Ah, c'était très bien. C'était le groupe de musique. Le groupe de musique, les Requins Chantants. Exactement. Ça, c'est l'année passée, cette semaine, ben, il va falloir qu'ils battent ça. C'est comme ça. À bord et haute. D'ailleurs, écoute, pour ceux qui aiment bien Assemblage requis ou ceux qui aiment bien C'est fou en général, il y a l'Assemblée générale aujourd'hui. Eh, hey, c'est vrai. Ça se déroule à partir de midi au 48-39 du pavillon de la santé. Voilà, présentez-vous aujourd'hui. C'est pour s'impliquer dans la radio, dans le journal, pour on doit élire un nouveau conseil d'administration. Exactement. Les gens intéressés d'ailleurs à vouloir participer au conseil d'administration, là, c'est là que ça se passe. C'est aujourd'hui à midi au 48-39 du pavillon de la santé. On va vous le rappeler d'ici la fin de l'émission. Tout à fait. Je ne vais pas arrêter. On dirait que c'est juste ça que je vais dire. Ouais, ben tant mieux. Il hein? Faut bien le faire. Si c'est pas toi qui le fais, qui c'est qui va le faire? Hein? Je sais pas. Puis écoute, Mathieu, j'ai un autre sujet aussi un matin. Un peu plus tard dans l'émission, on va parler de la programmation du festival qui est sorti. Je veux ton avis. Je veux tes réactions à chaud. Ah ouais, OK. Bon. Je suis sûr qu'il y a des choses que je vais pas aimer là-dedans. Ah, mais tu vois, ouais. Ben oui, c'est sûr. Écoute, comme dans tous les. Tous les grands noms, là, au sommet de l'affiche. Oh, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais sinon, écoute, on dirait qu'ils ont quand même pensé à nous. L'underground, l'indépendant, ouais. Ce genre de truc. C'est fou. Je relis ça à C'est fou directement. Oui, ben c'est ça. C'est fou, c'est l'indie, c'est l'underground. Hein? C'est synonyme. Mais est-ce que tu as vu la programmation? Je me rappelle avoir vu quelques affaires, mais je n'ai pas retenu, donc non, pas vraiment. Sinon, aussi dans l'émission d'aujourd'hui, on va essayer de mettre la main sur François Landry. On sait qu'il est très occupé. Ça fait un bon mois et quelques qu'on lui a pas parlé. En tout cas, il me semble. Au moins 3 semaines. En tout cas. Mais pour lui dire au revoir à lui aussi, faudrait pas l'oublier. Ce serait dommage de passer à côté, étant donné que c'est un grand homme. Donc, on va essayer de faire ça. Sinon, on va aussi avoir la chronique CNX, la chronique geek. Et aussi, une invitée. On va recevoir Marjolaine Lemieux à 7h45 pour parler de la pièce de théâtre Naissance qui a lieu, je crois que c'est lundi. Ça en vient. Donc, c'est vers les 7h45. Et puis, je pense qu'on devrait avoir le temps pour C'est un fait aussi. Donc, quand même, une pas mal grosse émission en cette dernière journée pour nous au quotidien. Mais, par contre, je dis dernière en direct, parce qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, mais on va être là lundi et mardi avec des programmations spéciales. Génial! Voilà. On commence l'émission avec du palmarès un petit peu. On va entendre deux nouvelles entrées du côté francophone tout à l'heure. Le retour de Chinatown. Oh, OK. Oh, ça faisait longtemps qu'on attendait ben ça. Oui, tout à fait. Mais avant, voici Marie-Pierre Arthur et son nouvel extrait « Emmène-moi ». 89 FM, c'est fou! Encore, serré les dents sur une malle. des arbres se retrouvent sans rien. Moi il me reste, et bien on verra bien demain. Les cendres partent au vent, demain. Chinatown et culpabilité précédée de c'était Mike Pierre Arthur et Ramène-moi, vraiment deux très bonnes pièces, deux nouvelles entrées du palmarès francophone. On aime ça. On adore. On entendra du Ariane Moffat tantôt, elle aussi, un nouvel extrait, donc... Fantastique. On gênera pas là-dessus, hein. Fantastique. Écoute, Mathieu, on va parler un peu de la programmation du festival ici. À Trois-Rivières, c'était? À Trois-Rivières, exactement. Ça se déroule du 28 juin au 8 juillet. 80 spectacles, 12 scènes, donc en fait, une programmation, tu vas voir un peu plus... comment je pourrais dire, un peu plus diversifié que les autres années. Ok, moins super pop, là, genre. Ben, je trouve. Écoute, tu me diras ton avis. Okay. Bon, évidemment, écoute, je commence avec un nom qui va te froisser les oreilles. Oh. Isabelle Boulay! Hey! Mais bref. Ouais, depuis le temps que tu voulais l'entendre. Je capote de suite. Bon, allons-y plus sérieusement. En fait, ça commence évidemment le jeudi, le 28 juin. Il va y avoir The Bar Brothers. Ok, qu'on aime bien ici. Wow. Ça commence bien. Après ça, écoute, on s'en va le vendredi le 29, They Called Me Rico. They Called Me Rico qui joue quand même assez souvent dans l'émission Le Dîner de Con, oui. Animé avec Danny Janvier. Les Michel Levin est là aussi, j'ai entendu. Mais bon, oui, exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est exactement la bonne journée, d'ailleurs. Le vendredi le 29 juin, Michel Levin va être là. Les Cowboys Fringants. Okay. Les Cowboys Fringants, ouais. ça peut être intéressant. Mm-hmm. Random Recipe. Stéphanie Gagné adore ça et on n'a fait pas assez jouer, mais Random Recipe, en effet, oui. Tout à fait. Beers of Legend. Aussi Stéphanie qui nous a présenté ça. Tout à fait. Jean Leloup. Ça, par exemple, Jean Leloup, c'est le samedi le 30. OK. 30 juin. Donc, Jean Leloup, Antoine Corriveau, Arcane. Après ça, qu'est-ce qui va? Après ça, on s'en va au dimanche le 1er juillet. Donc, c'est la fête du Canada, évidemment. Oui. On a la chance d'entendre les frères Lemay. Après ça, écoute, c'est quand même relativement tranquille pour le début de semaine. On se dirige vers le mercredi 4 juillet. Vincent Vallière, okay. En fait, que j'aime bien. Jimmy Hunt. Ça va être rempli. Oui, Jimmy Hunt. Okay. Jimmy Hunt, c'est intéressant. Après ça, jeudi 5 juillet, écoute, j'en parle parce que mon frère fait la tournée avec Sylvain Cossette. Okay. Donc, je vais aller voir mon frère jouer, je pense. Et puis, après ça, écoute, on s'en va un peu plus bas. C'est là que ça commence à être intéressant. Vendredi le 6 juillet, Galaxy hey. Qui joue souvent ici. Ben oui. Radio. Ah! Mister Valère. Hey, le même soir. Ouais, c'est ça, exactement. Là, t'as Galaxy, Radio, Mister Valère, puis là, tout en même temps. C'est vraiment, en fait, la section qui me fait penser à C'est Fou. Donc, Galaxy, ça a beaucoup joué, Radio, ça joue beaucoup. Mister Valère, évidemment, c'est un groupe fétiche de C'est Fou. Donc, voilà. Sinon, écoute, on se dirige vers le samedi 7 juillet, Bradycardi. Cool. Oui, c'est ça qu'on a fait jouer ici aussi relativement souvent. Et après ça, dimanche le 8, écoute, Grimmskunk. Sinon, là, le reste, là, j'ai sauté beaucoup de gros noms, là, vous comprendrez. Mario Pelcha, ces trucs-là, là, on n'a pas besoin. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai entendu dire qu'il y a un petit spectacle des Mars de la Relève là-dedans. Oui, le gagnant va se présenter sur scène. Et ça va se dérouler à 20h le vendredi 6 juillet. Sur la scène... Sur une des scènes. Ouais, on va dire une des scènes, parce que... C'est la scène Rythme FM, ça n'a pas vraiment rapport. Ça serait fun d'avoir notre scène. Ben oui. Écoute, la scène, c'est fou, c'est genre... c'est une chaise. Non, mais justement, pour présenter des groupes comme The Bar Brothers, Mister Valère, Radio, Galaxy... Ben oui. En tout cas, on va regarder pour les prochaines années, mais ça serait intéressant. Excellente idée, François. Ouais. Plus d'informations sur la programmation, évidemment, au festivois.com. Tout à fait. Tout à fait. C'est du 28 juin au 8 juillet. 80 spectacles, comme tu l'as dit, sur 12 scènes, dont cette scène Rythme FM. Ouais. On va transitionner vers des choses geeks, François. OK, allons-y. Je pense que c'est le moment. On va y aller avec... non, mais ça, il y a des fois dans la vie... Est-ce que tu vas nous amener le dernier chiptunes? Ben oui. Ouais. Hey, tu pensais que j'allais te laisser filer sans une dernière pièce de chiptunes? Ouais, je savais pas. J'espérais. Ouais, c'est la chronique Scénix. Dot

Il y a aussi, tu sais, on a entendu plutôt dans l'émission Marie-Pierre Arthur et Chinatown dans les nouveautés franco, mais il y en a trois anglo aussi, Caravan Palace, Joel Plaskett Emergency et Foxy Shazam. On entendra peut-être au moins Caravan Palace tantôt. Moi, Mathieu, là, j'ai deux demandes spéciales. OK. Vu que c'est la dernière. Oui. Écoute, j'aimerais ça entendre Fall of Flash. OK. OK. Ouais. Et puis, Set the World. Ah, cool. Deux groupes. Très bon choix. On va vous entendre ensemble tantôt. OK, formidable. Ouais. Mais avant ça, on va entendre une pièce des Bébés Requins, un vieux classique des palmarès francophones. C'est Discothèque. On écoute ça, puis après ça, on parle de la pièce de théâtre Naissance. Tu comprends le lien qu'on va pouvoir faire tantôt. Bébé. Hey, bébé. Les requins, ben, c'est vous, là, les auditeurs de l'Assemblage Requins. François, boum, crac, pow. Les Bébés Requins et la pièce... La discothèque, bien sûr, à Assemblage Requis. Et maintenant, on a une invitée spéciale, c'est Marjolaine Lemieux, qui va nous parler de la pièce de théâtre Naissance, qui aura lieu, je crois que c'est la semaine prochaine. Bonjour, Marjolaine. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Donc, on parle de la pièce de théâtre Naissance. Ça a lieu quand, pour commencer? En fait, on en fait deux représentations à Montréal ce week-end, vendredi et samedi, puis on va à Trois-Rivières lundi le 30. On joue à 8h à la salle Anaïs à l'Art Rousseau. OK, parfait. Et ça, la pièce de théâtre Naissance, qu'est-ce que c'est? Par qui est-ce que c'est écrit? Ça parle de quoi? Oui, alors c'est un spectacle sur l'accouchement qui a été écrit par Karen Brody. Et en fait, Karen a rencontré plus de 130 femmes américaines qui lui ont raconté leur grossesse et leur accouchement. Et de là, elle a senti un désir ardent de partager ces témoignages-là. Et elle en a fait une pièce de théâtre qui s'est construite un peu sous la forme des monologues du vagin. Qui est apparu un peu plus tôt, c'est-à-dire vraiment, c'est des témoignages. Les femmes s'adressent directement au public et retournent dans l'expérience vécue également. Donc, il y a comme un switch dans le temps continuellement, et c'est ce qui les rend très vivants et très intéressants, les témoignages. OK. Et après la pièce de théâtre, il y a un panel de discussion avec plusieurs invités? Oui, après toutes les représentations, on s'arrange pour créer un panel avec des représentants de à peu près chaque corps de métier. Il y a toujours 4 ou 5 personnes. Exemple, un médecin, un obstétricien, une infirmière, une sage-femme, une doula parfois aussi, pour avoir un peu un échantillonnage là, représentatif du milieu de la périnatalité au Québec. OK. Et ça, est-ce que ça touche vraiment tout le monde? Est-ce que... On sait que ça touche vraiment les femmes, mais est-ce que les hommes... Pourquoi je me présenterais, mettons... Oui, c'est ça, exactement. Moi. Ben, moi, je trouve que ça concerne tout le monde. Okay. Parce que, premièrement, à moins que ce ne soit pas vos intentions à vous autres, les gars, mais les femmes ont besoin d'avoir leur partenaire pas loin. Les hommes jouent un rôle important dans ce processus-là. En tout cas, peuvent le jouer. Ça dépend toujours de l'entente, évidemment, qu'il y a dans chaque couple, puis les besoins de chaque femme. Il y a peut-être des femmes qui préfèrent être entre femmes. Ça peut exister, évidemment, mais c'est tellement extraordinaire. Puis il y a des scènes dans lesquelles on le voit quand l'homme est présent dans tout le processus, parce que c'est aussi son bébé à lui qui arrive quand même. Puis je dirais que oui, ça concerne tout le monde, parce que ben, ceux qui ont déjà eu des enfants vont revivre des moments extraordinaires. Ça va les ramener dans cette expérience-là. Puis des fois, ça déclenche des partages avec leurs enfants puis avec leurs parents même. Et ça fait des rencontres intergénérationnelles super intéressantes. Puis même ceux qui n'auront jamais d'enfants, des gens qui savent qu'ils n'en auront pas, qui ont fait ce choix-là, ben ils sont quand même nés. Puis ça peut permettre aussi de revisiter avec leur propre mère ou avec leurs parents comment ils sont arrivés, comment ça s'est passé. Puis c'est ça, c'est une expérience universelle, la naissance. Mmh. Et toi, Marjolaine Lemieux, t'es actrice dans cette pièce-là, j'ai entendu dire? Oui, je joue dans la pièce depuis le début et j'ai fait aussi partie, en fait, de l'équipe de reprise, si tu veux. Je suis co-chargée de projet avec Annie Arsenault et Maud Poulain pour la diffusion at large. Là, on voulait la reprendre pour que le plus de monde puisse voir ce spectacle-là puis se questionner sur la naissance. Mmh. Parce que là, c'est ça, vous jouez à Montréal présentement? Oui, vendredi et samedi, on joue à Montréal, à la Grande Bibliothèque. OK, après ça, Trois-Rivières, après ça, est-ce qu'il y a d'autres villes? Ben, à l'automne, okay. On va faire une tournée octobre-novembre. Je sais qu'on va aller à La Pocatière, à Rimouski, Saint-Eustache. Oh, OK. Ouais, 2 autres places aussi. Donc, là, les noms m'échappent, mais oui, on a encore une petite tournée à l'automne. Oui. Justement, celle de Trois-Rivières, ça va être à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Les billets sont en vente en ce moment, en pré-vente, et il y a un tarif pour les étudiants. Oui. Écoute, cette gestion-là, c'est pas moi qui l'a faite. Est-ce que tu veux que je te réponde? Je pense que c'est 15 $ par étudiant, mais exact. Il faudrait confirmer, peut-être, oui. C'est ça, c'est 25 $ pour le tarif régulier. Si vous êtes étudiant, c'est 15 $ en pré-vente, 20 $ à la porte. Les profits sont versés à l'Association des étudiantes sages-femmes. Et c'est d'ailleurs l'Association des étudiantes sages-femmes qui présente la pièce de théâtre Naissance. Oui, qui nous font venir. Oui, c'est super. Exactement. Et c'est le 30 avril, donc lundi à 20 h. C'est Anaïs Allard-Rousseau. C'est à la place de l'Hôtel de Ville à Trois-Rivières. Ben, j'ai bien hâte de voir ça parce que je suis jamais allée. Bon. Mais vous êtes déjà venu à Trois-Rivières quand même. Oui, je suis venu à Trois-Rivières, bien sûr. Mais je suis pas allée jouer dans cette salle-là encore. OK. D'accord. Marjolaine Lemieux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon spectacle. Hey, venez voir le show, les gars. Ben, c'est sûr. OK. Merci. Bye. Bonne journée. À bientôt. Bye. Marjolaine Lemieux, comédienne dans la pièce de théâtre Naissance. Encore une fois, c'est lundi, le 30 avril. François, maintenant, on va écouter ton petit bloc musical que tu voulais tant avant qu'on termine l'émission. Oui, exactement. Écoute, j'avais 2 demandes spéciales, vu que c'est la dernière émission. Et, 2 groupes, en fait, que j'aime bien. 2 groupes que j'ai connus, d'ailleurs, grâce à Assemblage Requis. Mm-hmm. Premier, Final Flash? Oui, okay. Non. Oui, non. Set the Whale, en premier. Set the Whale, OK. On va y aller avec Set the Whale. Et puis la pièce We Are 1980. Oui. Formidable. C'est sûr. C'est sûr. À Sondage Rocky, 89 FM, c'est fou. Lean back into the wind, it's an empty cold outside. I sent you back just the smoothest rock I could find. Accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, sending letters again. Well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless here is a thing of the past. Cutting down trees and using our guys. We've got mandarins, loveless sex and information passing right through our skinny bones.

Flash! Version en direct. On dirait bien, avec la pièce Welcome to the House on Fire, une pièce que j'adore d'ailleurs. Ben oui, désolé. Même en direct, écoute, ça sonnait bien. Et on a fait ça par téléphone. C'est ça. Il joue dans le téléphone, dans le cornet, la piano, la guitare. Ça sonnait bien. Ça sonnait super bien. Donc voilà pour ça. Avant ça, on a entendu Set the Whale avec We Are 1980. Choix de François. Oui. C'était mes deux dernières demandes spéciales. Après ça, écoute, vas-y. J'aimerais que tu aies deux demandes spéciales aussi, Mathieu. OK. Parfait. Pense-y, en revenant un peu, mon prêt commence avec ça. Bonne idée. Pendant qu'on va attendre, comme toujours, Phénomène avec Simon Fitzbé, qui s'en vient vers les 8h et quelque chose, quand ça à lui. 8h et quart. D'après moi, je dis ça comme ça. D'accord. Hey, il nous prépare une surprise, par contre. C'est excitant pas mal, ça. Oui, ben oui, certainement. Mais écoute, on y renvoie l'appareil. Ah, tu lui as écrit un poème, toi. J'ai écrit une petite surprise. Comme à tous les autres chroniqueurs cette semaine. Et d'ailleurs, si vous avez raté les célèbres poèmes de François-Olivier, vous pourrez les réentendre. On va parler assez fou cet après-midi dans une compilation spéciale. Ah non. C'est vrai. Pour l'instant, on prend une pause. On vient tout de suite rester. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Toujours Assemblage requis en ce jeudi 26 avril 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Bonjour, Mathieu Plon. Hey, tantôt, on va faire mon petit bloc spécial. Oui. Vu que j'ai pas encore eu le temps de décider, la pub était très courte. OK. On met du Fred. Je sais pas si ça sera dans mes choix. J'aime beaucoup ça, mais je sais pas si ça sera dans mes choix de l'année. C'est bon. Je vais devoir y penser un petit peu. Vas-y, après cette pièce-là, on revient avec ton bloc. Ouais, exact. Voici If Not Now When de Fred. Un de mes préférés du palmarès en ce moment. Fred et la pièce If Not Now When sur l'album Leaving My Empire à Assemblage Requis. Il est 8h07 en ce jeudi matin. Mmh. Oui. Ouais. Maintenant, après avoir entendu ça, qui était une de mes pièces préférées en oui, ce moment. Oui, c'est très bon, Fred. C'est très, très bon. On va retourner un petit peu plus en arrière, comme tu as fait tantôt, pour aller entendre mes deux pièces préférées. En tout cas. J'ai hâte de savoir c'est quoi. C'est ça que j'ai eu le temps d'y penser là. J'ai vu pas toutes les pièces qui ont joué à la session. Mais c'est ça, on va entendre du Islands. OK, oui. Tantôt. Très bonne idée. Mais avant ça, on débute avec un groupe que j'écoute sans cesse, même après plusieurs mois. On l'écoute. Voici Library Voices. Oh! Oh! Oh! Something else, try telling that's incredible. We stand for nothing sugar, it's this generation drunk dance. Gonna love you like a cherub, gonna leave you like a lap dance. Oh, you wanna save it, oh, you wanna save the world. You wanna save the world. market space, looking in retrograde. The boys and cat is father, dragonfly flutter, another complicated lover, another pharmaceutical summer. They see you are what you read. Will you give me Copeland? I'll be Miracomi. Ouais, ça ressemblait à ça pas mal. Hein? C'était un de mes deux choix pour meilleure pièce de la session et de la session passée, dans le fond, des deux dernières sessions. Pas nécessairement meilleure pièce, pièce que tu avais le goût d'entendre pour la dernière émission. Ben oui, exactement. Écoute, on se casse pas la tête. Ouais, et on a aussi entendu la pièce Generation Hand Clap de Library Voices. Oui, ouais. Exactement. Maintenant, mais tu sais, on avait promis de faire ça. Moi, hier, je t'avais promis quelque chose et je l'ai pas fait. Ouais. Je t'avais promis de te faire jouer du Lisa Leblanc. Oui, Lisa Leblanc. Parce que toi, t'aimes bien ça, comparé à moi qui je déteste ça. Je déteste pas. C'est ça. Dans la vie, quand on dit « je déteste pas ça », est-ce que ça veut dire que t'aimes vraiment ça, tu sais? Ben écoute, je te dis pas que j'irais d'avoir un spectacle. Tu sais, il y a différents degrés. Ouais, ouais, ouais. Ne pas détester ça fait que c'est écoutable, en fait, et puis que j'apprécie quand ça joue. OK. Je te dis pas que j'en fais jouer chez nous. Je te dis pas, mais j'ai pas. OK, ben je t'en passe pour compenser pour le chiptune de tantôt. Yeah! Parce que je sais que t'aimes pas ça et je t'ai fait souffrir jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière miette. Ouais, j'aurais pu jouer à la fin de l'émission, ça aurait été pas pire. Mais non, j'ai d'autres choses de prévu. Bon. Donc pour l'instant, on écoute Lisa Leblanc et une pièce de son album Lisa Leblanc, je pense. Hein? C'est Craft Dinner, tout de suite. Tu fais. Ça à personne, mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas,

aller sur le bateau que Stéphane nous a loué pour l'été. Je peux pas croire que vous allez passer l'été là-dessus à animer une émission. Je suis le roi du monde! Ok, j'ai la feuille du poule. Qui avait dit que Mathieu dirait ça dans 2 minutes? C'est moi! Bravo François, 1 point pour toi. Hey! Peux-tu te dessiner tout nu? Est-ce que j'ai encore le temps de débarquer? Il est où l'iceberg pendant qu'il est sur la boue, lui? La vie de croisière d'assemblage requis, pour la première fois en 3D. À l'affiche tous les jeudis de l'été, de 13h à 17h. En rappel, les samedis à midi et les lundis à 15h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Wow! Je peux-tu te dessiner tout nu? Hey, c'est drôle, bienvenue. Ça. Ça va jouer tout l'été, vous allez être tanné dans 2-3 jours, mais c'est comme ça. Nous, on se quitte comme ça pour cette session d'assemblage requis. Je tiens à remercier évidemment tous les chroniqueurs qui ont participé à l'émission pendant l'année. Évidemment, on note Kiwan La Liberté, Xavier Antoine, Nicolas Ducharme, Stéphanie Gagné, Marie-Pierre Laforge-Bourret, Sébastien Dulude, Anne-Julie Durocher, Jasmine Raymond-Dréville, François Landry, Simon Fitzbé, David Ferron, exactement. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans la session courante? Je ne crois pas. Non. En fait, tous ceux qui sont venus aussi passer des entrevues, que ce soit pour présenter des pièces, les étudiants en fait qui sont venus en grand nombre d'ailleurs cette session aussi là. Il y a plein de monde, ça a mis la vie là-dedans. Ouais, exactement. On va se retrouver tous les jeudis de l'été entre 13h et 17h pour la vie de croisière d'assemblage requis. On va avoir bien du fun là-dedans, c'est sûr, sur le bateau que vous entendez déjà. On est déjà en avant. Le bateau n'est pas encore arrivé, apparemment. J'entends juste des vagues, des oiseaux. C'est vrai. Mais on va l'accueillir cet après-midi dans une édition spéciale qu'on appelle les Palmarès Sifu présente l'équipage de la vie de croisière d'assemblage requis. Dans Assemblage requis, vous monte un bateau. Hein? Oh! C'est un pas pire. Le concept, il est là. Ça va être écœurant. C'est entre 14h et 17h dans la case horaire des Palmarès Sifu cet après-midi. Je collimerai ça avec Jasmine Raymond-Dréville et je recevrai en studio Justine Renaud et DJ Catardi, qui sont les chroniqueuses des Palmarès Sifu qui vont rester avec nous tout l'été. Et pendant l'été, on va accueillir des nouveaux chroniqueurs. On aura Mathieu Roy qui va venir nous faire une chronique nautique, apparemment. J'ai hâte de voir ça. J'ai déjà peur. Kim Bergeron avec des sorties culturelles musicales. Anne-Julie Durocher va avoir une nouvelle chronique, mais cette fois-ci sur les arts et spectacles, le théâtre, la peinture, des choses comme ça. Justine Renaud va faire sa nouvelle chronique gay dans l'émission cet été, avec aussi ses tartines de Justine une fois de temps en temps. David Ferron fera sa graine de pivot toutes les semaines. On aura aussi Jasmine, évidemment, qui va co-animer, qui va faire ses comptines. Simon va être là avec sa nouvelle chronique qu'on a mentionnée tantôt. Donc, il y a plein de gens qui vont sûrement se rajouter au cours de l'été aussi. Pour l'instant, mais on va se quitter là-dessus. On va se dire à cet après-midi, entre 14h et 17h. Dany et Janvier va suivre avec le dîner de con à partir de 11h. Moi, je serai là avant ça pour CNX.zip, qui va compresser les chroniques CNX de la semaine. 6 degrés avec Kim Bergeron à 13h. Plus tard en soirée, allez voir le CIF.ca pour une programmation approximative et pas tout à fait fiable. Et passez par assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Les balado-diffusion, avec quoi est-ce qu'on se quitte? François, on a l'embarras du choix dans le palmarès ici. Je pense qu'on devrait se quitter avec quelque chose qui nous mettrait de bonne humeur ou Moi, je laisserai monsieur Landry choisir. Oui. François? Tu savais à quel point j'ai pas écouté de musique ces derniers temps. C'est pas grave. Écoute, on retrouve, il y a Marie-Pierre Arthur. On va se faire plaisir là-dedans. Choisis ce que tu veux. Écoute, je prends l'occasion pour te remercier, Mathieu Plante. Ça fait plaisir, merci à toi. Assemblage requis. Ça a été plaisant. Ça a été très plaisant. Ça a passé vite. Donc, c'est un bon signe habituellement. Je pense que ça n'a jamais passé aussi vite. Que ça a passé très vite. C'est incroyable. Passé excessivement vite. Il y a peut-être le fait qu'on finit vraiment de bonne heure aussi, mais ça, c'est une autre histoire. On est juste le 26 avril. Oubliez pas qu'on va être en ondes quand même lundi, entre 7h et 9h dans le cas habituel, avec les meilleurs moments, les chroniques préférées de chaque chroniqueur. Donc, chaque chroniqueur nous a donné vraiment sa chronique à lui ou à elle préférée pendant l'année. Et mardi, entre 6h du matin et 19h le soir, on va se faire une émission de 13h. Donc, c'est les gars de Honte de Choc, Mika et Antoine qui ont décidé de faire ça. Ils veulent battre le record qui était de midi. Voyons quand même, 12h30. Ouais, 12h30. Bon, oublique, Mathieu Plante d'ailleurs sera là. En featuring. Je vais être là tout le long, mal. Mais je peux faire partie. C'est le fun. Pas cette année, là, je suis tanné de préparer. Oh, c'est bien correct. Les émissions de fin de session, je n'ai faites comme 92, là, fait que ça va aller. Donc, je vais être là entre 6h et 19h avec les deux gars. Soyez-y. On se quitte avec du Fanny Bloom que François Landry a choisi. Est-ce que tu connais l'album un peu? Aucune idée. C'est juste que je trippe sur elle, puis j'ai jamais entendu son album. Donc, je veux en primeur m'imprégner de son. On n'a pas quelque chose de parfait là-dedans, là. Ah ben allons-y. Ah, ça va bien finir parce que la session était tellement parfaite. C'est ça, hein, que tu veux dire? Tant pis, c'est bon. Ben bye, puis à tout à l'heure, finalement. Je dirais bien que c'est la fin de la session, tout le monde s'en va. François s'en va, François-Olivier Marchand nous, va nous dire au revoir sûrement cet après-midi, peut-être nous envoyer un coup de main. Après l'Assemblée générale, je rappelle, si les étudiants veulent se présenter oui. à l'Assemblée générale, oui, ça, s'il vous plaît. Ça se déroule à midi au 48-39 du pavillon de la santé. Donc venez en grand nombre. Voilà. Tous les messages sont faits, il y a d'autres choses, non? Non. Bon été, messieurs. Bon été. Bon été. On s'en va sur le terrain de baseball.